Chapitre 21e, la requête d'une mère. Lord Mountsavern et son fils furent tous deux présents à l'enterrement de William. Et parmi les autres personnages qui suivirent le convoi, on remarqua surtout Richard Hare. Lady Isabelle était malade de corps et d'esprit. On attribua cette maladie aux fatigues qu'elle avait éprouvées à veiller, nuit après nuit, auprès de William. Bien qu'elle fût obligée de garder la chambre, elle ne voulut point consulter un médecin. Joy se tenait presque constamment à ses côtés, la soignant et la consolant de son mieux. Une seule pensée absorbait à présent l'esprit d'Isabelle, celle de quitter East Lynne, car elle se sentait dépérir. Elle craignait d'être enfin reconnue si elle venait à mourir en ces lieux. D'ailleurs, un autre motif, non moins puissant, l'entraînait à s'enfuir au plus vite de cette maison, où jamais elle n'aurait dû remettre les pieds. De jour en jour, en effet, elle éprouvait pour ce même Carlyle, qu'elle avait tant méconnu, un amour de plus en plus violent, de plus en plus insensé. Puis, en ces moments bénis, mais trop courts, où l'âme dégagée du corps prend son vol dans l'espace, en ces moments heureux où l'imagination, dans sa marche irrégulière et vagabonde, nous transporte vers les rives fleuries de l'impossible, elle rêvait, aux jours d'autrefois, aux joies évanouies. Et elle se figurait alors qu'elle était encore la jeune et charmante châtelaine d'East Lynne. Puis soudain, elle se réveillait à la réalité, et ses yeux et son cœur s'enfiévraient de jalousie et de haine au seul son de la voix de Barbara, sa rivale. Il était donc naturel qu'elle éprouvât ardemment le désir de partir. Joyce, de son côté, redoutant un esclandre, la pressait avec instance, avec force, de ne plus tarder à mettre ce projet à exécution. Dès le lendemain donc des funérailles, Lady Isabelle se rendit auprès de Madame Carlyle pour lui demander son congé. Madame Carlyle l'a reçue dans son cabinet de toilette étendue sur un canapé. « En vérité, » fit celle-ci, après avoir écouté l'institutrice, « je suis au regret d'apprendre cette nouvelle. Nous vous sommes tous très attachés. Nous apprécions les soins que vous donnez à Lucie, et M. Carlyle vous est sincèrement reconnaissant de la sympathie que vous n'avez cessé de témoigner à son pauvre enfant. « Et moi, » interjeta Lady Isabelle, « c'est avec bien du chagrin que je quitterai cette demeure. » « Mais alors, » poursuivit Barbara, « il ne faut pas vous en aller. Restez, restez ici, c'est notre plus fervent désir. Votre maladie n'est après tout que l'effet d'une trop grande fatigue. Vous vous reposerez, et nous vous soignerons jusqu'à ce que vous soyez entièrement rétabli. Merci, madame, merci mille fois. Mais ne me croyez pas ingrate, si je persiste dans mon dessein. Je me sens trop faible, trop abattu pour espérer me remettre jamais. » « Ne parlez pas ainsi, » répliqua Barbara. « Nous sommes toutes plus ou moins sujettes à de telles défaillances. » Mais avec quelques soins, l'on en revient bien vite. Il faut que je parte, madame, c'est une idée arrêtée. Aimeriez-vous mieux aller au bain de mer ? Demanda Barbara. Cela pourrait contribuer à réparer votre santé. Je compte m'y rendre moi-même lundi prochain avec mon enfant. Non, fit Isabelle en secouant tristement la tête, ce serait une dépense inutile. Je n'ai besoin à présent que de repos et de calme. Eh bien, ajouta vivement Barbara, restez du moins à East Lynne jusqu'à mon retour. Monsieur Carlyle ne doit pas m'accompagner. Il est retenu ici par des affaires pressantes, et j'ai tout lieu de supposer que je reviendrai d'ici à une quinzaine de jours. Je laisserai Lucie sous vos soins, ou plutôt sous votre surveillance, car je ne désire nullement que vous la fassiez travailler. Je veux que vous vous reposiez. Cet arrangement vous convient-il ? Oui, murmura la pauvre femme, heureuse à l'idée d'être seule encore pendant quelque temps avec ses deux autres enfants, Archibald et Lucie. Voulez-vous tenir le bébé un moment dans vos bras ? S'écria Barbara qui cherchait à se soulever. « Comment le bébé ?» fit Madame Vine avec étonnement. « Oui, » ajouta Barbara en pouffant de rire, « il est là, endormi sous le châle. » Madame Vine s'avança et prit entre ses mains la petite créature. « Merci, » continua Barbara en se redressant sur le canapé. « N'est-ce pas que c'est une jolie petite fille ? Nous l'avons appelée Anna. »« Mais elle n'a pas été baptisée ?» fit observer Madame Vine. « Non, pas encore. Le baptême a été remis à cause du jugement qui a eu lieu à Lynneborough. » car je tenais à ce que mon frère Richard fût le parrain. Maintenant, il se trouve naturellement retardé de nouveau à cause de la mort de William. Monsieur Carlyle, ajouta vivement Lady Isabelle, sans trop songer à ce qu'elle disait, n'aime pas qu'un baptême soit célébré avec solennité. Et comment avez-vous su cela ? Riposta Barbara en fixant un regard curieux sur l'institutrice. Je le sais de l'avoir entendu dire, balbutia la malheureuse femme en s'efforçant de ne point perdre contenance. Et c'est la vérité. Reprit Madame Carlyle. Mon mari n'aime point les dîners de baptême. Il n'a jamais voulu en donner pour aucun de ses enfants. Il ne comprend pas que l'on transforme une cérémonie religieuse en une fête mondaine. Lady Isabelle quitta la chambre. En traversant le corridor, elle rencontra le jeune Vane qui se promenait de long en large tout en appelant Lucie de toute la force de ses poumons. « Et que lui voulez-vous donc ?» lui demanda l'institutrice. « Il m'est impossible de vous le dire, » répondit-il effrontément, mais en excellent français. « Lucie est à son piano, vous ne pouvez la voir en ce moment. »« Mais il le faut, » insista le jeune vicomte. « J'ai le droit de demander après elle, car elle m'appartient, cette demoiselle. Vous devez le savoir, madame. » Isabelle eut peine à retenir un sourire. « Je veux lui faire une promenade en voiture, » poursuivit Lord Vane. « Elle m'a promis de venir, et John est en train d'atteler. Cela est impossible, un accident pourrait vous arriver à tous deux. » « En voilà une idée, » repartit le vicomte avec indignation. « Que craignez-vous donc ? Demandez à mes camarades d'Eton si je sais conduire. Ils vous diront que dans tout le collège, il n'y a pas mon pareil pour manier à cheval. D'ailleurs, j'aime trop Lucie pour vouloir l'exposer à aucun danger. Vous savez, ma bonne dame, qu'elle doit être ma femme ?» À ce point du dialogue, Barbara, qui sortait de son cabinet de toilette, s'approcha de nos deux personnages et, interposant son autorité, elle défendit au feu que jeune homme de sortir avec Lucie à moins de se faire accompagner par le cocher. Cette recommandation faite, elle disparut, se rendant au salon. Madame Vine saisit alors le jeune vicomte par la main et l'entraînant à sa suite dans une pièce voisine. « J'ai à vous parler, » fit-elle avec une émotion pénible. « Je crois à votre attachement pour Lucie Carlyle, mais dites-moi, avez-vous jamais songé à la honte qui doit inévitablement rejaillir sur elle à cause de la conduite de sa mère ? Que m'importe cela ? Oui, mes lords et Lady Mountsovern verront là, soyez-en sûrs, un obstacle sérieux à l'union que vous semblez désirer. Mon père ne saurait s'opposer à ce mariage, j'en ai la conviction. Quant à ma mère, c'est une autre histoire. J'aurai à lutter, je le sais, contre ses préjugés, mais je tiendrai bon et je remporterai la victoire. » Isabelle était émue, ses mains tremblaient convulsivement, tandis qu'elle les portait à sa bouche pour mieux étouffer ses sanglots. « William Vane, » reprit-elle d'une voix solennelle, « je me sens fortement attachée à Lucie. J'ai appris à l'aimer depuis ces quelques mois que je passe à ses côtés. Je me suis même efforcée tant que j'ai pu de la traiter et de la diriger comme le fait sa propre mère. Maintenant, je vais bientôt la quitter pour toujours. Si jamais, » continua-t-elle, « si jamais Lucie Carlyle devient votre femme, promettez-moi, William Vane, de ne jamais lui reprocher la faute de sa mère. » « Ah ça, pour qui me prenez-vous ? » répliqua vivement le jeune lord, en portant hardiment sur l'institutrice un regard courroucé et plein d'une noble indignation. « Ce serait mal, voyez-vous, ce serait injuste et cruel. Mieux vaut ne jamais parler à Lucie de Lady Isabelle. » De grosses larmes sillonnaient les joues du jeune homme. « Que me demandez-vous là ? » fit-il avec douleur. « Vous voulez que je ne parle pas à Lucie de sa mère ? Aussi, je lui en parlerai souvent encore et toujours, du moins quand elle sera ma femme. Je lui dirai combien j'aimais Lady Isabelle, combien je l'admirais. Et je lui dirais même que si je l'épousais, elle, c'est par la simple raison qu'elle me rappelait sa pauvre mère. Eh bien, si ce mariage se fait, aimez-la de tout votre cœur. C'est mon vœu le plus cher, c'est le vœu d'une mourante. Je vous le promets, ajouta Lord Vane. Mais pourquoi me parlez-vous ainsi, madame ? Pourquoi songez-vous à la mort ? Madame Vane ne répondit point. Et tous deux se séparèrent en silence. Dans la soirée de cette même journée, Isabelle était assise, seule et triste, dans sa chambre particulière. Bien qu'au dehors il fît une chaleur étouffante, elle s'était enveloppée d'un vaste châle, et cependant, elle avait encore froid, tous ses membres grelottaient. Tout à coup, des pas se firent entendre et quelqu'un frappa discrètement à la porte. « Entrez, » fit-elle avec apathie. C'était Carlyle. Ah, pour lui du moins, son âme était encore susceptible d'émotion. Elle se leva à la hâte, son cœur se resserra péniblement, ses artères se dilatèrent avec force. Que voulait-il ? Que venait-il faire à cette heure ? Elle était intimidée, embarrassée à en perdre la tête, et dans son trouble, elle se précipita au-devant de lui pour lui offrir un siège. Mais lui, d'un geste plein de douceur, lui fit signe de s'asseoir. « Madame, commença-t-il tout en se tenant debout devant elle, je viens d'apprendre par Madame Carlyle que vous songez à nous quitter. C'est vrai, monsieur, je me sens trop souffrante pour demeurer ici plus longtemps. « Qu'éprouvez-vous donc ? Une grande lassitude, une faiblesse générale. » En prononçant ces paroles, sa voix était creuse, son visage d'une pâleur étrange. « J'espère que vous n'avez pas attrapé la maladie de William. » poursuivit Carlyle sous l'impression d'une idée qui venait de lui traverser le cerveau. « Oh non !» répliqua vivement Isabelle sans calculer également la portée de ses paroles. « Oh non, c'est lui plutôt que... » Elle s'arrêta à temps. « Je voulais dire, » continua-t-elle en se reprenant, « que la maladie dont je souffre m'a été transmise par ma mère. »« Dans tous les cas, » interjeta Carlyle, « c'est à Islaine, et au moment où vous soignez mes enfants, que vous êtes devenu malade. Or, vous ne trouverez pas mauvais que j'insiste pour que vous restiez ici jusqu'à votre entier rétablissement. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas voir le médecin ? À quoi cela pourrait-il servir, monsieur ? Il est trop tard. Nul médecin ne saurait détruire le mal qui me consume. Vous vous croyez donc en danger ? Je crois qu'il me reste peu de temps à vivre. Et vous ne voulez pas consulter un docteur ? Écoutez-moi, madame Byrne, vous êtes ici chez moi et vous devez comprendre qu'il est de mon devoir de veiller sur vous, sur votre santé du moins. Elle aurait voulu lui dire que ce n'était pas du corps qu'elle souffrait, mais bien de l'esprit et du cœur. Elle aurait voulu mettre à nu devant lui toutes les tortures qu'avait endurées son âme. Le pouvait-elle ? Elle demeura morne et silencieuse, la tête penchée sur sa poitrine, le visage ombragé par le balancement des ailes d'une large capeline qu'elle avait maintenant adoptée pour coiffure habituelle. Enfin, comprenant qu'il devenait nécessaire de faire une réponse, « Si vous le désirez absolument, monsieur, je verrai monsieur Wainwright. »« C'est mon plus fervent désir, » répondit Carlyle. « Je lui écrirai demain. »« Ne vous donnez pas cette peine. Je le verrai moi-même et je le prierai de passer vous voir. »« En attendant, soignez-vous bien et veuillez vous considérer ici comme chez vous, et comme si vous étiez au sein de votre propre famille. » Ce disant, Carlyle tendit sa main vers l'institutrice. Elle se leva, s'appuya sur le dossier de son fauteuil et prit la main qu'on lui offrait. « Madame Byrne, » murmura Carlyle d'une voix affectueuse, « comment pourrais-je jamais reconnaître les témoignages de dévouement que vous avez donnés à mon fils ?» Et ses yeux se fixèrent avec douceur et avec tendresse sur les traits défigurés de Lady Isabelle. Pauvre femme, elle n'eut pas la force de cacher plus longtemps son émotion. Tout son être tressaillit avec violence et un cri perçant qui attestait suffisamment l'atroce désespoir qui broyait son cœur sortit soudain de sa poitrine. Puis, pour mieux échapper au regard de Carlyle, elle se couvrit le visage de son mouchoir tout mouillé de larmes. « Ah, ne le pleurez plus, il est heureux à cette heure !» s'écria l'avoué, qui attribuait naturellement cet accès de douleur au souvenir pénible qu'il venait de réveiller. Et il quitta la chambre.